L'unité française se brisait. La guerre civile allait commencer. Aux yeux du monde, la France paraissait sur le point de se dissoudre. C'est alors que j'ai assumé la charge de gouverner notre pays. Le drame de l'Algérie, bouleversant les populations, mettant l'armée à dure épreuve, soulevant sur place une vague d'indignation pour ce qui était du présent, de changement et de fraternité pour ce qui était de l'avenir, a déclenché cette crise nationale, mais de toutes les manières, celle-ci devait éclater. Car depuis 12 ans, le régime des partis flottant sur un peuple profondément divisé, au milieu d'un univers terriblement dangereux, se montrait hors d'état d'assurer la conduite des affaires. Et parmi ces affaires que la 4e République se montrait incapable de résoudre, aux yeux du général de Gaulle, il y a en tout premier lieu l'Algérie.